Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. François avec vous sur RGM pour deux heures de mosaïque, une mosaïque d'enregistrements divers et variés sur des sujets eux aussi divers et variés. Et puis une petite revue de presse, et puis voilà. Hein. Quand un Anglais dissèque le français, par exemple, hein, sur les radios libres ou locales ou commerciales ou régionales, ou etc., on entend beaucoup, beaucoup de choses en anglais. Moi, j'ai rien du tout contre l'anglais, non. Mais il ne faudrait pas qu'on entende que ça. Hein, parce que ça devient saoulant à la longue. Alors rappelons quand même que l'anglais, eh bien, ça a été la langue officielle de la Grande-Bretagne pendant un certain temps, pendant plusieurs siècles. Et puis, ça a tourné court pour des raisons politiques, parce que la Grande-Bretagne l'Angleterre se trouvait en guerre avec la France, et le roi de l'époque a jugé utile de couper les ponts culturellement avec la France. Hein, sinon, le fait de parler en français, ça ne les dérangeait pas du tout. D'autant que le peuple s'était mis lui aussi au français. Bon, il commençait à se mettre vraiment au français, en conservant bien évidemment sa langue de naissance, disons. Hein. Alors, quand un Anglais dissèque le français, au cœur du laboratoire de recherche situé à l'extrémité du campus Lettres, côté avenue de la Libération, à Nancy, on dissèque la société, la langue française, sous toutes ses coutures grammaticales, syntaxiques, discursives, et on aime aussi surprendre. En fusionnant, au début des années 2000, l'Institut national de la langue française et un labo de Nancy 2, langue, discours, cognition, en propulsant à sa tête un informaticien, Jean-Michel Pirel, puis en nommant comme directrice une chercheuse en provenance de la Suisse alémanique, Eve Buchy. Voilà, donc les Anglais s'intéressent à la langue française encore et de nouveau. Alors rappelons aussi que 63% du vocabulaire anglais est d'origine française. 63%, c'est pas rien quand même. Hein. Voilà, donc le cousinage, il est quand même important. Et puis la devise de la couronne britannique était toujours « Dieu est mon droit » ou « On y soit qui mal y pense ».« On y soit qui mal y pense ». Hein, c'est bien du français, ça. Oui, voilà. Et la reine d'Angleterre, lorsqu'elle est venue rendre visite à François Mitterrand, eh bien, elle s'est entretenue avec lui en français, parce qu'elle parle absolument le français. Mitterrand avait peut-être plus de mal avec l'anglais, parce que le seul séjour qu'il a fait, un peu long qu'il a fait en Angleterre, c'était pendant la guerre, quand il est allé rencontrer De Gaulle au titre de la résistance. Il a passé là-bas une quinzaine de jours, peut-être, trois semaines maximum. Donc, pas vraiment le temps d'apprendre l'anglais autrement que ce qu'il avait appris à l'école. Hein. Voilà. Alors, la société VT2I. Tiens. VT2I, née de la reprise de l'usine TRW de Romanchamps, liquidée il y a 5 ans et demi, tient bien sa feuille de route. L'équipementier automobile est proche des 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. La mise en route n'était pas gagnée. Il y avait de quoi se faire peur. Un champ de ruines laissé par la phase de redressement judiciaire de TRW. Une liste de questions effrayantes. Un marché automobile en pleine crise. Plus de confiance des fournisseurs. Eh oui, donc il a fallu remonter la pente. Et ils l'ont fait, et ils y sont arrivés. Et ils ont sauvé quelques emplois. Pas la totalité des emplois de TRW. Ben non, parce qu'en général, on laisse quand même du monde sur la route. Eh ben oui. Pouvoir d'achat, coup dur, ben oui, pour les Français. Oui. En 2019 et 2020, les prestations familiales, les aides au logement et les pensions de retraite ne seront plus indexées sur l'inflation, mais simplement revalorisées de 0,3% chaque année. Alors, est-ce que l'inflation est inférieure à 0,3%? Sûrement pas. Hein? Donc, on va perdre du pouvoir d'achat régulièrement. 0,5, 0,7, 0,8%, peut-être davantage. Hein? Voilà. Le gouvernement sacrifie les prestations sociales. Ah oui, il ne va pas sacrifier les fortunes des riches. Ben oui, puisque c'est le gouvernement des riches. Alors que beaucoup de pauvres ont voté pour lui. Et ben oui, ben les uns sont malins, puis les autres sont naïfs. Que voulez-vous? Hein? Ah ben oui, un jour, il va falloir réagir quand même. Hein? Le frelon asiatique met le cap à l'est. Depuis 2004, le frelon asiatique colonise la France d'ouest en est. Aujourd'hui, seuls trois départements et la Corse sont épargnés par cet insecte particulièrement invasif et ravageur. Et oui, il a comme défaut surtout de tuer les abeilles. Le CHRU en quasi-faillite. Alors, en quasi-faillite, c'est entre guillemets suivi d'un point d'interrogation. Nancy Santé. Bataille à couteau tiré entre le conseil de surveillance du CHRU de Nancy et une instance intergouvernementale qui décrit le CHRU en quasi-faillite et en cessation de paiement. Tout ça entre guillemets, parce que c'est peut-être pas sûr que c'est vraiment certain, mais bon, on le dit au cas où, et puis ça fait toujours des lignes, et puis ça jette le doute sur le gouvernement en place. Eh oui, parce que la vraie droite qui est propriétaire de Vosges Matin, dont je tire mes articles, eh bien, elle a tendance maintenant à cracher à la soupe. Eh oui. Macron est en train de faire, mais c'est pas béni pour eux, Macron, ah oui, il est en train de faire la politique dont il rêvait, mais qu'il n'osait pas faire, parce qu'il savait qu'elle serait impopulaire, et Macron est en train de faire à leur place cette politique-là. Alors, c'est formidable. Et puis, eh ben, ils en profitent pour le rendre aussi impopulaire. Ben oui, parce qu'il aura bientôt fini de faire les choses les plus impopulaires. Et à ce moment-là, lorsqu'il sera vraiment impopulaire, ça pourrait être intéressant de placer ses billes pour pouvoir éventuellement revenir au pouvoir si l'occasion se présentait. Vous comprenez ? Alors voilà, ils font d'une pierre deux coups. Ils font faire par Macron la politique dont il rêvait et qu'ils n'ont pas osé faire. Et d'autre part, ils en profitent pour le rendre impopulaire. Voilà, voilà, voilà. Pourquoi Hulot claque la porte ? Ah, vous aviez déjà oublié que les canons étaient partis, vous voyez comment on est. On oublie vite. Nos ministres, ils viennent et ils font trois petits tours, ils font une pirouette avant, une pirouette arrière, et puis un jour, ils disparaissent derrière le décor, derrière le rideau, et on les oublie. On les oublie. Ben oui, c'est la preuve qu'ils ne font pas des choses très importantes pour nous, la plupart du temps, hein, puisqu'on les oublie aussi vite que ça. Pourquoi Hulot claque la porte ? Il a surpris tout le monde en annonçant hier soir sur France Inter, alors hier soir c'était le mercredi 29 août 2018, sur France Inter, son départ du gouvernement sans même prévenir le président. Un coup dur pour Emmanuel Macron, un constat d'échec pour l'écologie et un casse-tête pour son remplacement. Bon, alors, comme disait je ne sais plus qui, je me rappelle quand même, il n'avait pas cassé trois pattes à un canard, hein ? Ah oui, si on l'oublie, ben on l'oubliera parce que parce qu'il n'a pas fait grand-chose. Et oui, même les centrales nucléaires qu'il avait promis de fermer, les centrales que Ségolène Royal, la centrale de Fessenheim que Ségolène Royal avait promis de fermer, eh bien elle a fait durer sa promesse jusqu'au moment où elle a quitté le gouvernement. Hein, et puis elle est partie, saut périlleux arrière, et elle a fermé la centrale de Fessenheim, est toujours en activité. On l'a arrêté à un temps, de manière à réparer un peu, avec des bouts de ficelle, des bouts de fil de fer, le plus gros, les choses les plus urgentes. Et puis on attend la catastrophe. Il y a eu Hiroshima, il y a eu Nagasaki, et là c'était des catastrophes militaires, c'était des bombes, c'était fait exprès. On a tué des gens exprès. Et puis il y a eu Tchernobyl, où là où on a tué beaucoup de gens, pas exprès, mais aussi par négligence quand même. Hein. Et puis il y a eu Fukushima, hein, et là encore on a remis ça. Alors comme dit un vieux proverbe français, jamais 203. Alors numéro 3, ça sera Fessenheim ou ça sera Cattenom ? Fessenheim, c'est 80 km à vol d'oiseau de Remiremont, et Cattenom, c'est 120 ou 150 km, à peu près. Par la route, ça doit faire 150 km, et en ligne droite, ça doit faire 120 km. Et comme les vents dominants, ils sont plutôt du secteur ouest-nord-ouest, on sera parmi les premiers servis. Voilà. Hein, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Enfin, je vous lirai tout à l'heure un passage d'un livre sur le sujet. À 5 ans, il percute un arbre en voiture. L'accident aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Mao, quelle idée d'appeler un gamin Mao, mais bon, je trouve ça rigolo quand même. 5 ans, s'est retrouvé au volant, qu'on l'a appelé Mao, le gamin, s'est retrouvé au volant de la voiture de ses parents, ça c'est moins rigolo, qui a dévalé une forte pente avant de s'écraser à 80 mètres en contrebas contre un arbre. Et oui, et voilà. Intercommunalité, par ici la sortie. Sans surprise, le conseil municipal de Gérardmer s'est prononcé ce mercredi à l'unanimité pour la sortie de la ville de la communauté de communes des Hauts-de-Vosges. Le maire Stécie Spessmann a un plan en tête. Et oui, il va peut-être faire une communauté de communes avec, je sais pas, avec Saint-Dié, avec Épinal, ou avec Aix-en-Rue, ou Gerbépal, ou qui sait. Les ampoules halogènes interdites à la vente. Interdites à la vente à partir de samedi en France et dans toute l'Europe. Les ampoules halogènes laissent la voie largement dégagée pour les LED, qui ont déjà conquis une large part du marché. Et oui, les ampoules halogènes, elles faisaient un petit peu mal aux yeux, puis surtout, elles consommaient beaucoup de courant. C'était pas trop malin hein, comme invention. Enfin bon, voilà, c'est comme ça. C'était les ampoules halogènes. Ben oui, on nous lance des trucs. Manger 5 fruits et légumes par jour. Manger 5 fruits et légumes par jour. On nous répète ça pendant 2 ans à peu près. Et puis au bout des 2 ans, comme par hasard, le prix des fruits et le prix des légumes augmentent. Tiens. Mais c'est une simple coïncidence. Oui, on ne nous berne pas. Blanquer. Il y a bien eu un affaissement du niveau général. De quoi parle-t-il ? Un séisme peut-être ? Un mouvement de l'écorce terrestre ? Un mouvement intempestif de l'écorce terrestre ? Oh que non, point. Entretien avec le ministre de l'Éducation nationale. À quelques jours de la rentrée des classes, le ministre de l'Éducation nationale dresse le bilan de l'année écoulée et explique comment il compte poursuivre la transformation de l'école. Alors voilà, transformation de l'école qui, évidemment, va faire qu'il n'y aura plus de chômage en France. Rappelons qu'il y a 6 millions de chômeurs en France. 6 millions de chômeurs, eh bien, c'est ce qu'il y avait en 1932 en Allemagne. Et en 1933, les Allemands, ils ont voté. Eh ben oui, on commençait. Pour celui qui a fait 12 ans de nazisme, de fascisme et une guerre mondiale. Et avec 73 millions de morts à la clé. Eh oui, les conséquences du chômage, ça peut être dramatique, ça peut être très dramatique. C'est dramatique pour les chômeurs, pour leurs familles, pour leurs enfants, voilà, pour l'économie en général. Et puis, c'est dramatique pour les conséquences que ça a, parce que, immanquablement, un jour ou l'autre, ça débouche sur des violences. L'heure du réveil, les réveils sont douloureux en ce moment, pour le gouvernement. Après le café amer de mardi à la démission surprise de Nicolas Hulot, la police est invitée. S'est invitée hier matin dans les locaux d'Actes Sud. La ministre de la Culture a été épinglée par le Canard enchaîné au sujet de travaux présumés illégaux entrepris alors qu'elle dirigeait la maison d'édition. Pour rester dans une ambiance volatile, la situation pourrait se résumer en une petite phrase, certes peu élégante, mais tellement vraie, attribuée à Jacques Chirac. Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. Eh oui, Monsieur Macron, il a fait le malin pendant un an, maintenant, c'est la première année, elle est terminée. Eh oui, et les électeurs qui ont déjà commencé à regretter, eh oui, de s'être fait couillonner, de s'être laissé couillonner, d'avoir accepté d'être couillonné, hein. Ben oui, parce qu'on leur donnait à choisir entre la peste et le choléra, eh bien, il fallait choisir une troisième solution, voilà, une troisième voie. Ben oui, hein, ben oui, le 18 juin 1940, De Gaulle, il avait le choix entre se rendre aux Allemands comme prisonnier de guerre, entrer dans le gouvernement du maréchal Pétain et participer à la collaboration. Ben, il a choisi ni l'un ni l'autre, il a choisi la résistance. Voilà, acte de courage et de bon sens. Ah oui, la nature nous a donné un cerveau, il faut qu'on s'en serve aussi. 6 EPR à partir de 2025, point d'interrogation. Avant de démissionner, l'ancien ministre de la Transition écologique se préparait à batailler contre un rapport qui préconise de construire de nouveaux réacteurs EPR malgré les déboires de Flamanville. Ah oui, Flamanville, ça marche pas. Eh bien, ça fait rien, ils sont pas découragés pour autant. Oh non! Non, ils feront quand même des surgénérateurs, des EPR. Mais oui, bah, la preuve, c'est que les Chinois viennent de démarrer leur premier EPR, qui était d'origine française au départ. Ils l'ont peut-être amélioré ou peut-être qu'ils ont accéléré les travaux en tenant moins compte que les Français des problèmes qu'il y avait avec la partie en acier fondu, là, le dôme. Et bon, on ne sait pas. Hein, voilà. En tout cas, c'est reparti apparemment pour les EPR. Oui. Ah ben, chronique d'une ville sans médecin. La perte des deux seuls médecins de la commune alimente les conversations dans les commerces et les rues. Les habitants vont devoir donner leur confiance à quelqu'un d'autre des kilomètres en plus. Voilà. Dans le secret des scellés, Une salle du palais de justice d'Épinal abrite tous les scellés judiciaires. L'endroit, qui reste bien caché des regards indiscrets, regorge d'objets en tout genre. Alors, je ne sais pas, il me semble que j'ai lu quelque part qu'ils envisageaient de détruire une partie des scellés. Il me semble que c'est une erreur relativement grave. Hein ? Eh oui, les scellés, ça devrait rester très longtemps. Très, très longtemps. Ah oui, on ne sait jamais. Au cas où. Ah oui, au cas où. Voilà. Eh bien, un peu de musique peut-être. Hein ? Des cadillacs et des ombrelles, de l'albuplaste et des bretelles, de faux dollars, de vrais bijoux, il y en a vraiment pour tous les goûts. Des oraisons pour dentifrice, des chiens nourris qui parlent anglais, et les putains à l'exercice avec leurs yeux qui font des frais, des faux tableaux qui font la gueule, et puis des vrais qui leur en veulent. Des accordéons déployés qui soufflent un peu avant de gueuler, des filles en fleurs, des fleurs nouvelles, des illustrés à bonnes d'enfants, et des enfants qui font les belles devant des mecs bourrés d'argent. Les vitrines de l'avenue font un vacarme dans les cœurs à faire se lever le bonheur. Des fois qu'ils pousseraient dans les rues. Les faux poètes qu'on affiche et qui se meurent à les mystiches, les vedettes à faits divers, paroles de Jacques Prévert. Les prix Goncourt que l'on égorge, les gorges chaudes pour la voix, les coupes-files et les soutiens-gorges, avec la notice d'emploi, les chansons mortes dans la cire, et des pick-up pour les traduire. Micro-sillon baille aux corneilles, c'est tout Mozart dans une bouteille, le sang qui coule plein à la une, et qui se caille aux mots croisés, François, le monde et la fortune, devant des mecs qui n'ont pas bouffé. Les vitrines de l'avenue font un vacarme aux alentours à faire se lever l'amour. Des fois qu'on vendrait au surplus. Des Pères Noël grandeur nature qui ne descendent plus que pour les parents pendant que les gosses jouent les doublures en attendant d'avoir 20 ans. Toupie qui tourne au quart de tour, bonbons fondant, bonheur du jour, et ces mômes canons plein les bras, lécher la vitrine comme ça, des soldats de plomb qui font du zèle, des poupées qui font la vaisselle. De drôles d'oiseaux en équilibre pour amuser les tout petits. À l'intérieur, la vente est libre pour ceux qui s'ennuient dans la vie. Des merveilles qu'on veut pas toucher devant des mecs qui peuvent rentrer. Les vitrines de l'avenue font un vacarme dans les yeux à rendre aveugles tous les gueux. Des fois qu'ils en auraient trop vu. Jambon d'York, garantie Villette, des alcools avec étiquette, crème à raser les plus coriaces, où l'on m'étend le poil se lasse. La gaine qui fond sous les caresses, le slip qui rit, le bac en caisse, l'escarpin qui use le pavé, les parfums qui sentent le péché, des falbalas pour la comtesse, des bandes en soie pour pas que ça blesse. Du chinchilla, de la toile écrue, il faut vêtir ceux qui sont nus. Des poules au vert si vrai qu'ils bêlent, des vins si vieux qu'ils coulent gaga, des décorations qu'étincelles devant des mecs qui n'en veulent pas. Les vitrines de l'avenue, c'est mes poches à moi quand je rêve et que j'y fouille à main perdue. Des lambeaux de désir qui lèvent. Parce que ceux qui se réclament de l'extrême gauche se réclament en effet de Trotsky. De Trotsky, hein, c'est le père fondateur. Oui. On dit les trotskistes, les trotsko quand on les aime pas. Oui. La droite dit les trotsko. Donc qui se réclame de Trotsky, rappel historique, on est un peu après la révolution russe de 1917, Lénine vient de mourir, Staline progressivement va devenir dictateur, et ça ne plaît pas du tout au troisième larron, Trotsky, qu'on va voir tout de suite, Léon Trotsky de son vrai nom, Léon Bronstein, c'est l'un des principaux révolutionnaires avec Lénine et Staline, donc plus Staline devient dictateur en URSS, plus Trotsky lui dit « mais ça va pas du tout, tu trahis nos idéaux, notre révolution voulait donner le pouvoir à la base, aux paysans, aux ouvriers, aux soldats, et toi t'es en train de devenir un dictateur qui impose ses décisions à cette base, ça n'est pas ce qui était prévu. » Donc Trotsky devient un opposant à Staline, ce qui, je ne vous l'apprends pas, n'est pas très bon pour la santé d'être un opposant à Staline. Donc il va être obligé, Trotsky, de fuir à l'étranger. Et même à l'étranger, les trotskistes vont être pourchassés, assassinés. Trotsky lui-même finira assassiné par un agent de Staline en 1940 à Mexico, si je me souviens bien, un coup de pic à glace. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est va mal finir. Le scénario digne d'Hollywood, d'ailleurs, ils en ont fait un film. je reviens donc à nos partis français. Lutte ouvrière, créée en 68, et la LCR, créée... donc communiste révolutionnaire créé en deux fois en 69 et en 74, devenu le NPA. Alors, en fait, ça part des années 30 du vivant de Trotsky. Je vous passe les multiples scissions, exclusions, parce qu'ils sont très sérieux sur la ligne politique. Donc, si vous déviez de la ligne, il y a des exclusions. Donc, la scission crée un nouveau parti, etc. Pour faire simple, les deux plus importants, c'est la LCR et Lutte ouvrière, qui datent en gros de mai 68. Regardez, mai 68, c'est le moment des trotskistes, mai 68, parce que c'est complètement conforme à leurs principes, révolution par la base, par l'homme de la rue. Les trotskistes sont très actifs à ce moment-là. Ils font aussi des guérillas en Amérique du Sud avec Che Guevara. Ils sont aussi pour Mao en Chine. Ils ne vont pas voir la catastrophe du maoïsme qui va complètement désorganiser la Chine et faire à ce moment-là des milliers de morts en Chine par famine. Dans les années 60-70, il y a même beaucoup, on peut dire, en France, d'intellectuels français qui se réclament du trotskisme. Par exemple, voici André Glucksmann à l'époque. Jean-Luc Mélenchon était trotskiste à cette époque. Jean-Paul Sartre n'était pas très loin non plus. Également, il va y avoir les premiers militants des droits des homosexuels qui étaient des trotskistes. Voici Guy Hockinghem, qui était journaliste à Libération, qui était un journal plutôt trotskiste à ce moment-là. Au début des années 70, ça va très très loin. Il va y avoir des bagarres très violentes entre les trotskistes et l'extrême droite et la police au milieu, vous voyez, parce qu'à l'époque, l'extrême droite balance des cocktails Molotov sur les cafés des immigrés. Donc l'extrême gauche attaque l'extrême droite. C'est vraiment très violent. Ça, c'est en 73. C'est aussi un des grands moments des trotskistes, donc, qui se fondent dans les années 60-70, essentiellement pour les partis qu'on connaît. Le grand public connaît surtout deux personnages. En 1969, pour la première fois, les électeurs français pour la présidentielle découvre ce jeune homme qui s'appelle Alain Krivine, qui est tout jeune, d'ailleurs il raconte qu'il était complètement mort de trouille quand il faisait des allocutions. Il dénonce là, je cite, la légalité bourgeoise qui oppresse les travailleurs, fermez les guillemets. Et puis surtout arrive juste après en 74 première femme, la première femme candidate à la présidentielle, Arlette Laguiller, petite secrétaire à l'époque dans une banque, c'est toujours la même idée, révolution par la base, donc un petit employé. Elle se présentera 6 fois jusqu'en 2007 la dernière fois. Et puis du point de vue des idées, c'est toujours la même chose. Vous allez voir une réunion de cellules, c'est-à-dire des militants de lutte ouvrière ici sur ces images. Donc leur idée, c'est que c'est eux les vrais communistes et que le parti communiste officiel s'est un peu dévoyé. Il a tort, le PC, à leurs yeux, de participer aux élections et aux jeux démocratiques qu'ils estiment bourgeois et dévoyés. Eux, ils préfèrent être dans ce qu'ils appellent les luttes, vous voyez, c'est-à-dire distribuer des tracts, organiser des grèves. Ils font aussi les élections, mais ils le disent eux-mêmes, c'est pour se donner une visibilité tous les 5 ans au moment de la présidentielle. Mais ils croient plutôt à ce qu'ils appellent les luttes. Je termine en vous disant que du point de vue électoral, c'est Arlette Laguiller qui a fait les meilleurs scores, un peu plus de 5% au présidentiel de 95 et 2002. Par contre, point de vue militant, ils sont pas très nombreux. Les militants trotskistes en tout, ils sont quelques milliers sur toute la France. D'accord. Et alors, d'où le Philippe Poutou qui est... Alors, je ne sais pas s'il a obtenu ses 500 signatures. Je ne crois pas encore. Je ne sais pas encore. Oui, mais il est en meeting à Marseille et Nathalie Arthaud, elle sera à Orléans. Si, vous avez toutes les informations. Merci beaucoup. Bonsoir, merci d'être là. Je vois que vous n'en avez pas encore marre, donc on va continuer. On va continuer dans l'esprit de la dernière séance. La dernière séance était consacrée à faire la démonstration qu'il n'y avait jamais eu de religion qu'en regard de la lumière, parce que la pensée des hommes préhistoriques, si tant est qu'on puisse tenter de la reconstituer, ne peut pas ne pas se faire sur l'observation, sur ce qui, de manière empirique, permet de savoir ce qui advient. On regarde, on voit, on comprend, on conclut, et on dispose d'un savoir, d'une sagesse, qui qui est le savoir du cosmos, et je le rappelle, le cosmos, c'est l'ordre. Il s'agit, en regardant la lumière et les effets de la lumière, de constater qu'elle fonctionne selon un principe cyclique qui suppose un éternel retour. On retrouvera ça évidemment chez Nietzsche, et qu'il faut connaître et comprendre l'éternel retour pour savoir ce qui est le moteur du monde, un moteur du monde qui nous concerne de la même manière que ce moteur du monde concerne la fourmi, la fleur, l'arbre, l'étoile, le soleil et tout ce qui existe. Je souhaiterais dans cette séance rentrer plus précisément dans la question du christianisme, sans souhaiter évidemment blesser ceux qui seraient chrétiens et qui auraient la foi du charbonnier. Je ne vais pas ajouter que Brassens disait « heureux comme un pape, mais con comme un panier ». Je ne le dirai pas. C'est une figure de rhétorique. Mais je plaisante sur ce sujet. Il y a la foi, il y a la croyance. Et je vous disais effectivement qu'il y avait aussi le travail de la philosophie qui n'était pas évidemment un travail de croyance, mais de déconstruction des croyances et des mythes pour parvenir à des certitudes que la raison permet d'obtenir. Jésus est considéré comme existant dans notre civilisation. Certains y croient, et partout ailleurs sur la planète, on n'y croit pas. C'est-à-dire que c'est une fiction pour plein de gens de la planète qui, eux, croient à leur fiction, mais pas aux nôtres. Nous sommes très doués avec les fictions d'autrui, c'est-à-dire on peut se marrer quand on va faire un tour chez les Africains ou chez les peuples arctiques. On va rire ou sourire de cette façon de demander pardon à la nature quand on sort un poisson de l'eau avant de le manger. Mais on ne rira pas de ce qui constitue notre religion simplement parce qu'on a été éduqué dedans et qu'on a des difficultés à faire un travail de réflexion au sens étymologique, c'est-à-dire de flexion sur soi-même, pour se demander si ce qu'on nous a enseigné est bien la vérité. Après tout, c'est vieux comme le monde, dit-on, pense-t-on, il y a des églises partout, il y a des œuvres d'art planétaires, et toutes ces œuvres d'art, elles nous racontent la même chose. Jésus est né dans une étable, il est mort sur une croix, il a été crucifié, entre deux, il lui est arrivé plein de choses dans son existence, et on connaît la multiplication des pains, le baptême, enfin toutes ces histoires, on a été éduqués dedans. Mais on l'a été plus ou moins éduqué, et on a été déséduqué, et aujourd'hui on est très inculte. C'est-à-dire que je vais vous parler de choses, en espérant qu'elles sont connues de vous, ce qui distingue l'Annonciation, par exemple, de l'Assomption, l'Ascension, enfin toutes ces choses-là, on va faire un quiz ou un test, mais je pense que la déchristianisation fait que nous sommes de moins en moins au courant de ce qu'a été le christianisme, et il me semble que notre époque est de fausse culture, parce qu'il y a eu des époques de vraie culture. Orala. Et parce qu'il y avait de l'oralité, on avait une mémoire formidable. On dit de Kant qu'il connaissait la totalité des vers de l'Énéide de Virgile. Quel homme d'aujourd'hui, alors qu'on est en plein XVIIIe siècle, on est évidemment dans la civilisation de l'écriture, quel homme d'aujourd'hui est capable de nous dire ce qu'il connaît par cœur pour faire une espèce de test et voir combien de temps ça va durer? Combien de temps durerez-vous en disant ce que vous savez par cœur? Pas longtemps. Parce qu'on a fait confiance au papier, on a fait confiance au livre, et puis aujourd'hui on fait confiance aux machines, et donc on a oublié un certain nombre de savoirs, et on estime qu'il y a toujours une encyclopédie qui est pas bien loin, on a son téléphone portable, il suffit d'aller voir sur Wikipédia, et ce qu'on ignore, on va le chercher, on le trouve. À une époque, ça veut dire que on n'a pas besoin d'intelligence. À une époque, on avait besoin d'intelligence et de mémoire. Et les choses étaient dites par des symboles, par des allégories. Une allégorie, c'est ce qui fait que quelque chose dit une chose, mais dit aussi plus que cette chose-là. Un coq, c'est un coq, mais au-delà du coq, ça veut dire autre chose. Dans le christianisme, il y a une multitude de symboles, une multitude d'allégories qui nous sont méconnues aujourd'hui, sauf éventuellement quand on fait de la théologie, sauf peut-être quand on a une formation de prêtre, et encore. Je ne suis pas bien sûr qu'après Vatican II, ce soit des soucis qu'on ait aujourd'hui dans l'enseignement théologique, mais c'était des savoirs connus par les gens du Moyen-Âge. D'abord par les bâtisseurs de cathédrales et les bâtisseurs d'églises, bien sûr, mais aussi par les gens, par les curés. Ça faisait partie d'un savoir qu'on se transmettait. On mésestime aujourd'hui la puissance de l'oralité, la puissance de la mémoire de l'époque et la puissance de la transmission. Ce qui était empirique était transmis. Je le tiens de quelqu'un qui le tient de quelqu'un qui lui-même le tenait de quelqu'un. Et on était capable de faire d'antiques généalogies. Et d'ailleurs, si vous prenez les récits qui permettent de voir qu'une civilisation s'effondre et qu'elle entre en décadence, Je renvoie par exemple à Ségalène, si vous voulez travailler sur un tout petit registre géographique, et les Marquises, les îles qu'on trouve dans le Pacifique, dans lesquelles s'est retrouvé un jour Gauguin. Eh bien, il y a un moment donné où la décadence est manifeste parce que celui qui raconte les généalogies a oublié un nom. Il a un trou. Machin, fils de machin, fils de bidule, fils d'un tel, fils de ceci, fils de cela, etc. Et on remonte jusqu'à 300 générations. Et puis à un moment, fils d'eux, et il ne trouve pas. Et Ségalène, qui écrit, c'est un roman, mais en même temps c'est un roman ethnographique, Ségalène dit, ben voilà, c'est ça la décadence. On ne se souvient plus de son passé. On ignore sa tradition. On ignore la signification de sa tradition. Au point qu'aujourd'hui, si vous entrez dans une église, eh bien, vous ne connaissez que deux ou trois petites choses. Vous êtes capable de connaître deux ou trois petites choses, mais finalement, tout a une signification dans l'église. L'idéal eût été que ce soir, je vous embarque à Chambois, dans mon village natal, et que je vous fasse la visite guidée de mon église. L'église de mon village, 11e siècle, 12e siècle, et je la connais pour y avoir vécu tout ce que vit un enfant baptisé. J'étais baptisé, j'ai fait ma communion privée, solennelle, la confirmation, encore que la confirmation c'était l'évêque, ça se faisait pas dans le village, mais dans un village à côté. Et puis les mariages, je suis pas marié, des décès, hélas, de sa famille, et puis les baptêmes, des enfants qui arrivent, etc. Donc c'est un lieu dans lequel on a l'habitude d'aller, mais finalement qu'on ne sait plus décoder. On ne sait plus comment ça marche, une église. Ce que je vous propose, c'est le mode d'emploi d'une église, et j'essaierai de vous faire la démonstration que le christianisme est un collage de divinités païennes, et je le dis sans mépris, et je ne voudrais pas choquer ceux qui seraient croyants. Ça n'empêche qu'on peut croire en Dieu, qu'on peut croire à la divinité de Jésus, ça c'est autre chose, c'est du domaine de la croyance, mais là je fais mon travail de philosophe, en disant ce que je vous rappelle, c'est-à-dire en posant la question de la généalogie. D'où ça vient? Non pas c'est bien, c'est pas bien, faut y croire, faut pas y croire, je ne sais pas. C'est pas ça le problème, c'est d'où ça vient? D'où vient le christianisme? Car avant le christianisme, évidemment, il y a des gens, du monde, une histoire, des civilisations diverses et multiples. La vie ne commence pas avec le christianisme. Les musulmans pensent que le monde commence avec l'égir, avec l'islam, car mon islam n'avait rien et que tout ce qui est pré-islamique c'est païen et qu'il faut détruire tout ça, qu'il faut faire sauter tout ce qui n'est pas islamique, tout ce qui est pré-islamique n'existe pas. Or, si on fait de la philosophie, on fait de l'histoire. Et si on fait de l'histoire, on se dit, eh bien effectivement, admettons Jésus naît en l'an zéro de lui-même, on dira, et il a cette histoire que chacun connaît. Le philosophe dira, quand il naît, qu'y a-t-il avant? Que sont ses parents? Qui sont ses parents? Et pas les parents forcément généalogiques ou biologiques, Marie ou Joseph. Mais d'où est-ce que tout ça vient? Il y a une thèse qu'on appelle mythiste, et c'est la mienne, qui suppose que Jésus existe, mais comme un mythe. Il n'a pas eu d'existence historique. Il n'y a pas de preuve de l'existence historique de Jésus. Quand on nous dit qu'il est question de Jésus, chez Tacite, chez Suétone, chez Flavius Joseph, on renvoie à des textes dont on nous dit qu'ils datent de telle époque. Sauf que ces textes qui datent de telle époque, eh bien nous en avons perdu les éditions originales. Et nous n'avons que des copies de copies de copies de copies. C'est-à-dire que un texte qui aurait été écrit, par exemple, au 1er siècle de notre ère, on ne le connaît que par une copie qui date du 7e ou du 8e siècle après Jésus-Christ. Vous imaginez bien qu'il n'y a pas de droit d'auteur et que les copistes, les moines copistes, ils copient, et parfois même ils sont illettrés. Vous avez des moines copistes qui sont illettrés. Leur travail consiste à reproduire ce qu'ils voient. Voilà, comme vous recopieriez du chinois ou du japonais, sans parler le chinois, le japonais, simplement fidèlement, vous reconstitueriez la graphie qui est sous votre nez, vous feriez des copies. Et puis parfois, il y avait ceux qui savaient écrire, et puis qui ajoutaient un truc, et qui disaient, tiens, Suétone, il a oublié de parler du Christ. Tiens, Tacite, il a oublié de parler du Christ. C'est étonnant quand même. Tiens, Flavius Joseph, il oublie de parler du Christ. Et hop, on ajoute 5-6 lignes. Donc effectivement, ce ne sont pas des preuves. D'autant que des gens font des thèses sur les passages où il est question du Christ dans les quelques textes qui nous restent. Et ces passages sont tous écrits dans une langue qui n'est pas la langue de l'époque. Un petit peu comme si on avait retrouvé un manuscrit inédit de Descartes et que dans le manuscrit inédit de Descartes, Descartes donne son avis sur l'existentialisme de Sartre. On vous dit, tiens, il y a un truc qui ne va pas. C'est Descartes 17e, Sartre 20e siècle. Ce texte ne peut pas être du 17e siècle. C'est donc un faux qui a été fabriqué au 20e siècle. Ça paraît évident. C'est comme des peintures de la Renaissance dont on découvre qu'elles ont été faites avec des pigments du 20e siècle. C'est un faux. Eh bien, je ne dis pas que ces textes-là sont des faux, mais que quand on fait l'analyse de ces textes-là, ils font la démonstration que plein de bonne foi, hein. Je ne pense pas qu'il y ait un désir de nuire, mais plein de bonne foi, des copistes ont ajouté ce que des historiens avaient oublié, à savoir l'existence du Christ qui semblait avérée, puisque depuis 6 siècles, on nous disait qu'il existait, qu'il avait évidemment physiquement existé. Ce n'est pas parce que Jésus n'a pas historiquement existé qu'il n'a pas mythiquement existé, ou qu'il n'a pas conceptuellement existé. Il y a dans les textes des Juifs, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, qu'on appelle donc le Pentateuque, il y a un certain nombre de considérations dans lesquelles on apprend que les Juifs pensent qu'un jour, un Messie viendra. Les Juifs disent, un Messie viendra et il nous sauvera. Et puis un jour, parmi les chrétiens, certains disent, le Messie ne viendra plus puisqu'il est venu. Et d'ailleurs, très précisément, il est venu, il s'appelle Jésus. Et Jésus, ça veut dire qui a sauvé, sauve et sauvera. C'est ce qu'on appelle en linguistique du performatif. C'est-à-dire que le nom même dit déjà ce qu'il est et ce qu'il fait. Et on nous dit, bon, ben voilà, il a fait ceci, il a dit cela, il est mort comme ceci, il est mort comme cela, etc. Sauf que toute cette vie de Jésus, elle est déjà dans l'Ancien Testament. Mais comme rarement les gens lisent l'Ancien Testament, puis qu'ensuite, rarement ils lisent le Nouveau Testament, puis qu'ensuite le liraient-ils, qu'il leur faudrait plume à la main aller chercher des citations qui ont été faites, je ne sais pas, dans le livre de Daniel, par exemple, pour comparer avec ce qui aurait été dit dans l'un des Actes des Apôtres, et constater effectivement que ce que Jésus aurait dit, c'est ce que les Juifs nous disaient que le prophète dirait quand il viendrait. Donc si vous voulez faire une biographie de Jésus, il suffit d'aller regarder ce que l'Ancien Testament annonce en disant qu'un jour le Messie viendra. Ce Messie n'est pas venu. Les Juifs qui ont cru que le Messie était toujours à venir sont restés Juifs. Les Juifs qui ont pensé que le Messie était déjà venu et qu'il s'appelait Jésus sont devenus les judéo-chrétiens, qu'on appelle depuis les chrétiens. Donc le judéo-christianisme part du principe que l'annonce faite par les Juifs est une annonce aboutie et qu'on n'a plus à attendre ce qui est déjà advenu. Donc on fabrique un Jésus. En nous disant, voilà, il est là, il est arrivé, et il a fait ceci, il a dit cela, en allant chercher très précisément ce que l'Ancien Testament annonçait. Et on le structure comme ça, on le fabrique. Il y a des évangélistes, ben évidemment, aucun évangéliste n'a connu Jésus. Et on dit, ben oui, parce qu'ils écrivent tardivement. Non, pas parce qu'ils écrivent tardivement, mais parce qu'un mythe, ça ne se rencontre pas, en chair et en os. Et on raconte des choses. Vous avez quelqu'un qui vous dit une chose, quelqu'un qui vous dit une chose, puis quelqu'un qui vous dit une chose, puis vous la racontez. Vous êtes de bonne foi. Puis vous dites, ben, c'est raconté, donc ça a eu lieu. Donc le christianisme est une cristallisation de textes divers et multiples, évidemment des textes de l'Ancien Testament, mais aussi des textes païens. Et ce sont toutes ces traces païennes que je souhaiterais examiner avec vous pour que nous puissions comprendre que finalement, cette biographie de Jésus qui a été fabriquée au cours des siècles, c'est une biographie solaire. Chacun des moments de la vie de Jésus correspond à des moments de la course du soleil dans le ciel. Noël, résurrection, Pâques, enfin toutes ces choses-là ont à voir avec des équinoxes, avec des solstices. Et on entrera dans le détail et je vous dirai comment et de quelle manière. C'est donc une construction qui est hésitante sur les premiers siècles. Et si vous cherchez le premier Christ crucifié, vous n'en trouverez aucun au premier siècle, vous n'en trouverez aucun au deuxième siècle, aucun au troisième siècle. Il n'y a pas de figuration du christianisme avant sa construction définitive par un empereur chrétien, Constantin, qui au début du IVe siècle dit « Bon, moi je me convertis à cette religion, l'Empire est encore païen, et je me convertis à cette religion parce qu'il y a des sectaires, des gens qui relèvent d'une secte, qui sont les sectateurs du Christ, de Christos ». Et ce sont des gens étonnants dont on raconte qu'ils sont pauvres, ils sont modestes, rarement intelligents, mais des gens qui souffrent de la violence et de la brutalité de l'Empire. Ils sont d'une endurance extraordinaire, ils acceptent de mourir pour leur Dieu. Ils sont capables même de se faire manger par des animaux, frappés par qui leur dirait qu'ils ont tort. Ils refusent de prendre les armes, et c'est problématique dans l'Empire. Ou dans l'Empire romain, où on est d'abord un citoyen, et un citoyen, c'est d'abord quelqu'un qui défend la cité, fût-ce au prix des armes. Si vous n'avez pas l'argent qui vous permet d'être sénateur, consul, ou je ne sais quoi, eh bien au moins vous êtes militaire, mais il refuse de porter les armes. Et Constantin décide qu'il est chrétien, parce que d'un seul coup, il doit avoir une bataille avec Maxence, et sur le pont Milius, il prétend voir un signe dans le ciel, et il dit, un signe est apparu, et m'a dit, par ce signe tu vaincras. Et Constantin gagne et dit, eh bien, si j'ai gagné, c'est parce que le Christ a voulu que je gagne. Et il convertit l'Empire. Et avec sa mère, Hélène, ils se mettent à inventer la biographie de Jésus. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on va lui trouver des parents. Marie, Joseph et Hélène traversent l'Empire, s'en va à Jérusalem, et à Jérusalem, comme par hasard, 4 siècles plus tard, elle retrouve des clous, des épines, des morceaux de la vraie croix. Elle retrouve la toge. Vous rendez compte, on retrouve une toge, 4 siècles plus tard, elle est intacte. Le bois de la couronne d'épines intact aussi, ça n'a pas bougé. On retrouve le lieu où la croix aurait été plantée. On retrouve la tombe du Christ, on retrouve tout. Et pour le coup, on commence à cristalliser autour de cette fiction une existence miraculeuse qui permet de dire, ben voilà, cet homme s'est incarné. C'est le Fils de Dieu, il s'est incarné, c'est-à-dire étymologiquement, il a pris chair, et il a eu une existence, et cette existence, c'est ceci, cela, etc. Une histoire que vous connaissez. Il se fait qu'il y a des philosophes derrière tout ça, notamment l'un des premiers intellectuels, c'est le BHL de l'époque, si vous voulez, qui s'appelle Eusèbe de Césarée. Et Eusèbe de Césarée, c'est l'intellectuel qui met son intelligence au service du pouvoir. Il est cultivé, il sait lire, écrire, penser, il a de la culture et il fabrique les discours de Constantin. Il se fait que Eusèbe de Césarée est vraiment celui qui a des lettres. Lui, il a des lettres. Constantin n'en a pas. Un peu crétin, un peu limité, un peu bas du plafond, mais il sait s'entourer de gens qui, eux, ont des lectures et connaissent toutes les religions antiques et toutes les littératures antiques de l'époque. Ce sont donc des gens qui font fabriquer des collages qui permettront de renvoyer des religions orientales, sectaires, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire des religions de sectes, qui renvoient à des cultes mystiques venus de l'Est, à des traditions païennes, évidemment, nombre de traditions païennes, à des spiritualités mésopotamiennes, l'équivalent de l'Irak aujourd'hui, si vous voulez, Assur, Sumer, Babylone, tout ce quartier-là, qui finalement est un quartier de haute intelligence. C'est là-bas que l'écriture cunéiforme a été inventée, et d'autres écritures vont générer les écritures, notamment les nôtres. C'est un haut lieu d'intelligence, la Mésopotamie. Il y avait évidemment des sectes juives, des sectes gnostiques ou des sectes néoplatoniciennes. Platon a enseigné un certain nombre de choses, et puis il a eu des sectateurs qu'on a appelé des néoplatoniciens, et parmi les néoplatoniciens, il y avait un autre philosophe qui s'appelait Plotin, auteur d'un certain nombre de pensées qui ont été rédigées par un de ses disciples, qui a fabriqué un texte qu'il a nommé les Énéades, et c'est une espèce d'invitation à se dépouiller de sa chair, à faire travailler un principe immatériel en soi, et à faire s'unir ce principe immatériel à ce qu'il appelait l'imbien, et à connaître des extases. Plotin a passé sa vie dans la méditation et n'aurait connu, dit-on, que 4 extases dans sa vie. Ça fait cher la vie d'Assèse. Mais ce courant néoplatonicien a été extrêmement important pour donner du corps ou de la chair au christianisme et à la doctrine platonicienne, à la doctrine chrétienne. Le corps, l'âme, le corps matériel, l'âme immatérielle, se défaire du corps, faire des efforts avec l'âme, s'unir au principe qui serait le principe divin, mériter un salut, enfin toutes ces choses-là, ce sont évidemment des idées qu'on retrouve dans le christianisme. Et puis, le christianisme, c'est pas seulement un collage de vieux textes, de vieilles choses, ce sont aussi des travaux effectués par les pères de l'Église, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler. Eusèbe de Césarée en fait partie, mais Tertullien, Grégoire de Naziance, Méthode d'Olympe, enfin tous ces gens-là, Dorothée de Gaza, enfin Dorothée c'est le nom d'un garçon à l'époque, mais tous ces gens-là pensent la question du christianisme pour lui donner une espèce d'assise intellectuelle. Et ça fonctionne. Après la patristique, 10 siècles en gros, moi j'ai fait des études de philo, on ne m'a jamais parlé de la patristique. Normal, c'est l'espèce d'atelier dans lequel se forge la mythologie. On n'a pas envie qu'on aille y mettre le nez véritablement. Donc on estime qu'on allait jusqu'à Saint-Augustin, puis après on arrivait au Moyen-Âge et il y avait un grand trou. Il n'y a pas de pensée entre deux. Bien sûr que si, il y a une pensée. Bien sûr que si, il y a des penseurs. Toutes les questions, la virginité, la chasteté, la présence réelle ou fictive ou symbolique ou allégorique du corps du Christ dans l'Eucharistie, enfin toutes ces questions-là sont abordées par des pères de l'Église. Ensuite, ce seront des philosophes qu'on appelle scolastiques. Scolastique, ça renvoie à l'école, et qui sont des professeurs d'université, la plupart du temps, qui continuent les tergiversations, les effets de rhétorique et les effets de sophistique, toujours pour se demander comment on peut avoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans un même principe, alors que théoriquement, en toute bonne logique, si vous avez un Père et un Fils, normalement le Père produit le Fils, donc le Père est antérieur au Fils, et il ne saurait y avoir un Fils qui serait le Père de son propre Père. Eh bien, dans la scolastique et la patristique, on essaie d'expliquer qu'on peut être père et fils en même temps, de la manière qu'on peut être vierge et mère en même temps. Et donc, vous voyez dans quel état d'esprit sont les tenants de la patristique et les tenants de la scolastique. Mais ce sont tous ces gens-là qui vont finalement faire une espèce de grande... Ce qui conviendrait le plus, si vous voulez, vous avez chez Stendhal la belle image de la cristallisation pour expliquer ce qu'est l'amour. Et Stendhal dit, on balance un morceau, un bout de bois, une espèce de branche morte au fond des mines de sel à Salzbourg, et le sel va se cristalliser autour du bois. Et au fur et à mesure, vous allez avoir une espèce de belle cristallisation, et Stendhal dit, l'amour c'est ça, une espèce de cristallisation. Époque où dans toute l'Europe retentit le même cri du travail et du pain. La belle machine du capitalisme s'est cassée. 25 millions de chômeurs organisent d'interminables marches de la faim à travers les villes et les campagnes. La révolte gronde. Les pierres volent, les matraques s'abattent sur les têtes, les balles sifflent, il y a des morts, des blessés. Cette gangrène nous vient de la lointaine Amérique, où la crise a éclaté à la bourse de New York un certain jeudi noir d'octobre 1929. Au pays de Cocagne, on récolte maintenant les raisins de la colère. Pour sauver le capitalisme du naufrage, le président Roosevelt, patricien libéral, invente un nouveau contrat social, le New Deal, avec succès. Dans le folklore des Américains, la locomotive du New Deal écrase le vieux torpillard de la crise. La grande crise de 1929 a mis 2 ans pour traverser l'Atlantique et envahir l'Europe. Ici, on ne lui trouvera pas d'autre remède que la guerre. En attendant, le chômage tue, lentement. l'horloge de la France s'est arrêtée le 1er novembre 1918. Une république fantôme, troisième du nom, expédie mal les affaires courantes. Depuis 60 ans, la France n'a pas changé de constitution. Elle se contente de changer de gouvernement tous les 6 mois. Le préfet de police, M. Chiap, qui aime l'ordre en toutes choses, introduit les premiers feux rouges et les passages cloutés. Personne ne croit plus à cette république-là, ni à droite, ni à gauche. Entendez-moi, bonheur ne reviendra pour tous, grands et petits, que dans l'ordre, le calme, l'harmonie, la tranquillité, la confiance. Parti radical et parlementarisme sont les deux mamelles de la France. Dans la ronde du système, les ministres sont tous de futurs présidents du Conseil, les présidents du Conseil de futurs ministres. République des francs-maçons, s'indigne la droite. République des 200 familles, accuse la gauche. République des notables, répond fièrement le centre. Pourquoi la France est-elle gouvernée par des hommes de 75 ans ? Demande le canard enchaîné. Parce que ceux de 80 ans sont morts. Il y a 50 ans que cela dure. La France paysanne et radicale conserve pieusement ses vieillards qui n'en finissent pas de célébrer la victoire de 14-18. Une victoire usée jusqu'à la corde. Ils ont gagné la der des der, mais les civils ont perdu la paix. Quand les choses vont mal, l'armée est le dernier recours. Aussi la droite cherche parmi tous ces visages celui d'un général ou d'un maréchal président. Même celle qui réclame un roi, avec Charles Maurras, devra se contenter d'un colonel, Casimir Delaroque, le chef des anciens combattants. Son programme, travail, famille, patrie. Enfant du général Boulanger, il défile le 1er mai, qui est pour eux la fête de Jeanne d'Arc, et non celle du travail, en bataillon de plus en plus serré. D'abord les anciens combattants, puis les croix de feu, ligues patriotiques enfin. Nostalgiques de la grandeur perdue, ils ont ressorti leur uniforme de la Marne ou de Verdun. Béret, décoration, de Dio. La France n'obtiendra rien sinon sous la protection d'un ordre préliminaire à base de moralité. Nous n'appartenons à personne. Aucune préoccupation de plaire ou de déplaire, de ménager celui-ci, de satisfaire celui-là, ne guide nos décisions. Revêtus de cette puissance, nous sommes vraiment la grande collectivité de laquelle s'élève la voix de la sincérité, de la fraternité, de l'honneur. Nous sommes vraiment le symbole de la réconciliation française. 1934, depuis 2 ans, l'extrême droite entretient une atmosphère de guerre civile. Dans le centre de Paris, elle tâte les défenses du régime. Dans les banlieues ouvrières, elle lance des expéditions punitives. La police met tout le monde d'accord en distribuant à droite et à gauche des coups de pèlerine dont les doublures sont lestées de plomb. Pendant ce temps, les jeunesses patriotes paradent au grand jour. Désormais, on ne cache plus son jeu. On jure d'abattre la République et d'exterminer la peste rouge. Je viens jurer fidélité et obéissance totale au chef que nous avons librement choisi. Nous jurons de réaliser en face des politiciens qui perdent la France l'union de la génération, de travailler pour la révolution nationale et de donner au pays les régimes et les chefs qu'il mérite. Groupés derrière des drapeaux rouges, l'armée de la révolution sanglante va rassembler ses hommes en face de la révolution qui mettra la France à mort. Il y a la révolution nationale qui qui sauvera la France et vous en êtes les chevaliers. Gloire à vous et merci à vous. En Allemagne, le fascisme a déjà triomphé. On a trouvé un maréchal président, Hindenburg, un chef, Adolf Hitler, une mystique, le nazisme. Ideal werden wir von der Nation hintreten und sie wird, denn sie muss uns dann. En 1933, à la mort d'Hindenburg, Hitler, enfin seul, prend possession de l'Allemagne. Il rêve de posséder le monde. Mit dem festen Glauben, Deutschland steht und nimmer wird dieses Reich verlieren. Avant Hitler, Mussolini a inventé le fascisme, en Italie. Pourtant, les Français n'arrivent pas à le prendre au sérieux. Ils l'ont baptisé le César de Carnaval. Regardez-le. Il lève le menton, il bombe le torse. Il veut restaurer l'Empire romain. Le fascisme, c'est la guerre. Les premiers, les intellectuels le comprennent. En 1934, un comité antifasciste est créé à Paris. Président, les professeurs Rivet et Langevin. André Gide, qui n'a pas encore visité le paradis soviétique, lève le poing avec une ferveur encore intacte. Les jeunes, Aragon, Nizan, Malraux, brûlent d'un romantisme révolutionnaire. Malraux, qui vient d'obtenir le prix Goncourt pour la condition humaine, qui sera le bréviaire de toute une génération. Barbus, Soustelle, Alain, Picasso, Breton, Éluard et cent autres en font partie. Le mouvement est lancé jusqu'au Front populaire. 1932-1934, 5 ministères en 18 mois. La mécanique s'affole. Un chauffeur de taxi est condamné pour en avoir traité un autre d'espèce de député. Même pour la justice, c'est une insulte. Le scandale Stavisky sonne le halali. Au départ, une sombre affaire d'escroquerie. 500 millions de faux bons de caisse. Le coupable, un certain Sacha Stavisky, est en fuite. Et le scandale éclate. L'escroc bénéficiait d'incroyables protections, au Parlement et dans le gouvernement. Deux députés sont arrêtés, des ministres sont compromis. Le 8 janvier, coup de théâtre, on annonce le suicide de Stavisky à Chamonix, juste au moment où les policiers venaient l'arrêter. Curieuse coïncidence, ironise le canard enchaîné, il s'est suicidé d'une balle qui lui a été tirée à bout portant. C'est le sauve qui peut. Dans un climat d'émeute, le président du conseil, Édouard Daladier, éloigne le préfet de police, M. Kiap, enfant chéri de la droite. C'est le prétexte. Au cri de vive Kiap, Daladier démission, les croix de feu et les ligues s'ébranlent pour descendre les Champs-Élysées. Il est remonté depuis 10 ans. Objectif, le Parlement. Cette fois, c'est promis, c'est le coup de torchon. On va fesser les députés. Fin de journée, place de la Concorde, c'est l'affrontement inévitable avec le service d'ordre. Ah, morts, 1600 blessés. Toute la nuit, les escadrons de la garde républicaine ont chargé. Les manifestants ont tranché les jarrets des chevaux à coups de rasoir. Au Parlement, les députés affolés se sont enfuis en province. Aux portes du Palais Bourbon, le colonel de la Roque a regardé sa montre. Il est minuit, on rentre à la maison. Cette nuit-là, la France pantouflarde a échappé au fascisme. Les ligues pouvaient abattre le régime. Elles se contentent de renverser le gouvernement. Un de plus. Et une fois de plus, la France cherche un homme providentiel. Elle en trouve un à la mesure du moment. Gaston Doumergue, dit Gastounet, ancien président de la République, qu'on ramène en triomphe de sa retraite de Tournefeuille en province. Il forme un gouvernement d'union nationale avec 7 anciens présidents du Conseil et le maréchal Pétain à la guerre. Tous les records d'âge sont battus. Terrorisme est dans la guerre, c'est la guerre qu'il faut faire cesser. La cause du terrorisme est dans l'argent, c'est ces circulations qu'il faut faire cesser. Je me prononce pour une coalition universelle, car c'est l'humanité universelle qui est mise en cause. Une coalition universelle sous l'autorité et l'égide de le seul organisme qui est une compétence universelle, l'ONU. Nos intérêts, c'est que la guerre s'arrête. Vite, vite, vite. Évidemment, on laisse cette guerre pourrir sur pied. Parce que chacun y a son petit pion et ne veut pas le sacrifier. Et petit à petit, les risques s'accumulent. S'accumulent jusqu'à un moment où vous pouvez avoir un incident que personne n'a voulu et qui déclenche une guerre généralisée. Je ne soutiens qu'une seule chose, le retour rapide à la paix. Comment peut-on y arriver? Il faut une coalition universelle contre Daesh. On fait comme si je ne trouvais pas abominable un bombardement. Mais moi, je n'ai pas de préférence entre les bombardements. C'est ma différence avec beaucoup d'autres qui n'ont plus rien à dire quand il s'agit des bombardements de l'Arabie Saoudite, du Qatar ou des États-Unis d'Amérique, qui sont tout d'un coup très bavards quand il s'agit de ceux des Russes. Nous, nous n'avons ni amis, ni intérêts autres que les nôtres dans cette affaire, nous, Français. Voilà. Et nous, notre intérêt, c'est qu'il faut que la guerre s'arrête. Et pour que la guerre s'arrête, il faut que soient défaites les troupes qui nous affrontent et qui nous envoient des gens qui posent des bombes chez nous. Toutes les guerres sont horribles. C'est pourquoi il ne faut pas faire la guerre. Tous les bombardements sont horribles. C'est pourquoi il ne faut pas créer les guerres qui ensuite rendent nécessaires les bombardements. Toutes ces leçons de sagesse que j'aurais répétées 100 fois avant et 100 fois pendant ne sont jamais prises en compte. On ne prend en compte que la propagande. Enfin, quel genre d'homme serais-je si je trouvais normal que l'on bombarde... Tous les bombardements sont horribles. Mais alors, quant aux crimes de guerre, soyons clairs, les guerres sont des crimes organisés. C'est bien pourquoi il faut ne pas les déclencher, hein, en racontant aux gens, je ne sais pas quoi, des histoires qu'on invente sur les oui. armes de destruction massive, etc. Et puis, quand elles sont déclenchées, il faut les arrêter à toute vitesse. Et surtout, faut éviter d'utiliser une situation pour sa propagande en décrivant des méchants et des gentils, et puis une semaine après, aller faire exactement la même chose à un autre endroit en trouvant ça délicieux. Le problème de la guerre en Irak et en Syrie, ce n'est pas la religion, ce sont les gazoducs et les oléoducs. Si on s'assoit autour de la table et qu'on dit, vous autres les Qataris, au lieu de vous cacher là-bas derrière, vous autres les Saoudiens, au lieu de vous cacher, vous les Turcs, au lieu de faire semblant, venez parler de ce qui nous intéresse tous, parce que nous ne supportons plus cette guerre. Nous, quand la lampe le matin au clairon du coq se rallume, nous tous, quand ça a l'air incertain, ramène à vol nos balles en plume. Nous qui des bras, des pieds, des mains, de tout le corps plutôt sans cesse, sans abriter nos lendemains contre le froid de la vieillesse. Aimons-nous, et quand nous pouvons nous unir pour avoir à la rompe, que le canon se taise ou gronde, vivons, vivons, vivons à l'indépendance des bombes. Quels fruits tirons-nous des labeurs qui courbent nos masses et filent? Au fond, le flot de nos sueurs, nous ne sommes que des machines. Nos babelles montent jusqu'au ciel, la terre nous doit ses merveilles. Dès qu'elles ont fini leur miel, le maître chasse les abeilles. Aimons-nous, et quand nous pouvons nous unir pour avoir à la rompe, que le canon se taise ou gronde, vivons, vivons, vivons à l'indépendance des bombes. À chaque fois que par torrent notre sang coule sur le monde, c'est toujours pour quelques tyrans que cette rosée est féconde. Ménageons-le dorénavant, l'amour est plus fort que la guerre. En attendant qu'un meilleur vent souffle du ciel ou de la terre. Aimons-nous, et quand nous pouvons nous unir pour avoir à la rompe, que le canon se taise ou gronde, vivons, vivons, vivons, arrêtez pas, pas, pas, pas, vivons. Thank you. Je suis heureux de vous accueillir et de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International sur les antennes de TV5 Monde, sur celle de Radio France Internationale, en soutien, en accompagnement avec le quotidien français Le Monde, donc qui participe également à cette émission. Notre invité aujourd'hui, un prix Nobel de la paix sur le plateau. Merci, monsieur le secrétaire général de l'ONU. Vous avez en effet dirigé Kofi Annan, l'ONU pendant 10 ans. Pendant une dizaine d'années, de 1997 à 2006, et vous publiez ce livre important, ce très beau livre, Intervention. Nous reviendrons souvent sur ce livre, aux éditions Odile Jacob, où vous revisitez cette décennie. Nous allons, avec mes collègues, Sophie Malibaud, de Radio France Internationale, et quelqu'un que vous connaissez, Plantu, dessinateur du Monde, Cartoonist for Peace, dont vous êtes le président d'honneur, donc qui vous posera des questions, sa colombe à l'Union depuis 40 ans, hein, c'est bien cela. Exactement. Et c'est vrai que j'ai la chance de connaître Kofi depuis pas mal de temps, et c'est vrai que grâce à vous, on a réussi à fédérer pas mal de dessinateurs du monde entier, de toute religion, et de tous les continents, et de toute culture. Et on fait des ponts, là où certains ont envie de faire des cassures, Cartooning for Peace, Dessin pour la paix, donc cette association dont vous êtes le président d'honneur, nous permet de dialoguer tout simplement. Et d'ailleurs, je reprends une phrase de votre livre qui est édité chez Odile Jacob. J'aime beaucoup. Le génie de la libre discussion était sorti de la bouteille. C'est ce que vous arrivez deux fois à faire sortir la libre discussion d'une bouteille qui vous permet de dialoguer même avec des dictateurs de temps en temps. Absolument. Alors, on va poser des questions. Doit-on parler avec tout le monde? Le faisiez-vous? Est-ce que des conflits sont évitables? Nous allons voir dans quelques instants un reportage relatif à ces années-là. Je voudrais peut-être vous poser une première question. Vous arrivez d'Afrique du Sud, vous avez assisté aux obsèques de votre ami, lui aussi prix Nobel de la paix, Nelson Mandela. Un homme pour l'histoire, pourquoi ces hommes-là sont-ils si rares, vous qui avez rencontré les dirigeants de ce monde? Pourquoi sont-ils si rares et pourquoi sont-ils au fond assez irremplaçables? Je crois qu'il est unique parce qu'il a vécu une vie qui était très compliquée. Après 27 ans en prison, il sort. En cherchant réconciliation, de négocier et parler avec les gens qui l'ont mis en prison, décider de construire un État qui était pour tout le monde. État rainbow, comme on dit. Et normalement, quand on vit ce genre d'expérience, on sort fâché, décidé, prêt à la vengeance. Il a écarté tout ça, comprenant qu'il ne faut pas garder il ne faut pas être fâché pour trop longtemps. Il ne faut pas garder la rancune en soi. Rancune pour trop longtemps, parce que vraiment ça complique ta vie et les relations avec les autres. Il n'y a pas d'autre Mandela actuellement sur la planète. Il y a quoi? Il n'y a pas d'autres Mandela sur la planète. Il y a d'autres, mais ils ne sont pas à le même niveau. Mais c'est-à-dire que ce qui est important, les gens estiment qu'à cause de la vie que Mandela a vécue, on doit chercher d'autres Mandela. On doit modeler notre vie sur lui. Mais je crois que c'est l'expérience, c'est les leçons qui est importante. Alors avant de vous poser d'autres questions, je voudrais que l'on revienne à propos notamment de votre livre, je le dis, Intervention aux éditions Odile Jacob, sur cette décennie, sur les conflits, sur les crises que vous avez dû gérer. Et ensuite, nous vous poserons des questions. Rencontre avec Kofi Annan. I, Kofi Annan, solemnly swear. 1997, le Ghanéen Kofi Annan devient secrétaire général des Nations Unies. Premier diplomate d'Afrique noire à prendre la tête de l'ONU, dont il dirigeait déjà les opérations de maintien de la paix. Des casques bleus, symbole d'assistance et de protection, mais aussi d'impuissance sur le terrain. Comme en Bosnie, où snipers et milices serbes massacrent sous les yeux de l'ONU. Même chose au Rwanda, Hutu contre Tutsi, le génocide le plus rapide de l'histoire. 800 000 morts en 100 jours. Un autre échec onusien. La communauté internationale n'a pu rassembler ni les ressources, ni la volonté de venir en aide au peuple rwandais aussi vite qu'il aurait fallu. Agir vite sur le terrain. Kofi Annan se déplace partout, du Timor oriental au Pakistan, de l'Indonésie au Darfour. Son objectif, donner de la visibilité à l'ONU, la rendre incontournable. Ses efforts lui valent un prix, le Nobel de la paix en 2001, une récompense douce amère. Le processus de paix israélo-palestinien est dans l'impasse et après le 11 septembre, l'Amérique se fait va-t-en guerre. Dans la ligne de mire du Pentagone, l'Irak de Saddam Hussein. Kofi Annan, qu'on disait pro-américain à sa nomination, avait déjà pris ses distances avec Washington. Cette fois, il assiste jour après jour à l'échec de la diplomatie. Nous devons tous sentir que c'est une triste journée pour les Nations Unies et la communauté internationale. Les GIs envahissent l'Irak, les bombes pleuvent sur Bagdad, les attentats se multiplient. Et quand l'ONU dépêche des diplomates sur place, ils sont pris pour cible. L'Irak qui viendra hanter Kofi Annan jusqu'au couloir des Nations Unies, avec le scandale du programme pétrole contre nourriture. De la corruption généralisée dévoilée par le rapport Volcker. La responsabilité de cet échec doit être largement partagée, à commencer par les États membres et le Conseil de sécurité lui-même. Un Conseil de sécurité que Kofi Annan aura tenté d'élargir en vain. Lorsqu'il quitte son poste en 2007, il rappellera l'urgence d'une réforme. Il ne sera pas écouté. Mais lorsque les conflits éclatent, c'est à lui qu'on fait appel. Comme en 2008 au Kenya, lors des émeutes post-électorales, ou en 2012 en Syrie, face au régime de Bachar el-Assad. Mais cette mission-là s'avère impossible. Après des mois de tentatives, Kofi Annan jette l'éponge, excédé par les blocages du Conseil de sécurité. Mais au terme de 40 ans de service, il croit encore aux principes fondateurs de l'ONU. 40 années au service de la paix, et donc cette décennie en tant que secrétaire général, peut-être l'opinion publique ou les journalistes que nous sommes ont un scepticisme, vous en parlez dans ce livre important. Est-ce que l'ONU évite vraiment des conflits ou est-ce que vous les constatez simplement? Est-ce que l'ONU est aujourd'hui adaptée pour gérer ces crises et pour éviter qu'ils ne débouchent en conflit? Je crois que l'ONU a eu certains succès. Mais c'est très difficile de gérer des conflits dès que c'est éclaté. Le plus important, ça, c'est de tout est dans la prévention. Prévention, c'est le plus important. Mais pour pouvoir agir rapidement, il faut des moyens. Or, l'ONU n'a pas une armée. Les casques bleus. C'est ça, les casques bleus, mais les casques bleus ne sont pas des troupes onusiennes. Nous sommes obligés de demander aux États membres de nous donner des troupes. Et donc, normalement, pour monter une opération de maintien de la paix, il faut 3-4 mois pour avoir des troupes. Par exemple, regardons la situation en République centrafricaine, ou bien au Mali. Où la France est engagée pratiquement seule du monde occidental. Je crois que la France a fait... Je suis content que la France est engagée. Elle a bien fait d'y aller. Elle a bien fait d'aller, parce qu'autrement... Il y aurait eu beaucoup de morts. Donc je suis content que la France est là. Je félicite le gouvernement français, le président Hollande, pour avoir réagi au Mali et en République centrafricaine. C'est pas un échec de l'ONU si un pays doit y aller pratiquement seul. Mais l'ONU, c'est qui? 191 États. C'est ça. L'ONU, c'est tous ces États. Mais c'est pas facile de les pousser, de vous donner des moyens. Parfois, le Conseil de sécurité prend une décision encourageant les États avec capacité de s'engager parce que ça ira beaucoup plus vite. Aujourd'hui, c'est les Français, parfois, il y a un groupe d'États. Sophie Madibo. En République centrafricaine, vous pensez que ça y est, on peut déjà dire qu'on a évité le pire, où il y a encore des risques lourds, interreligieux notamment? D'abord, on a freiné. On a freiné les choses. Je crois que on peut éviter des choses, mais il faut que les autres États envoient des troupes assez rapidement pour prendre la relève. C'est seulement une question de troupes, c'est pas aussi un problème politique. Absolument, il y a un problème politique et négociation. Le secrétaire général est un représentant sur place qui est en train de travailler avec eux. Il y a un comité de 11 États dans la région qui travaille pour la paix de la région. Madame Robinson aussi travaille avec eux. Donc, il faut négocier, mais il faut aussi éviter les tueries. Il faut protéger la population. C'est là que l'action de la France est très importante Et il faut des tribunisiennes aussi. François Hollande a parlé d'une intervention de courte durée. Vous y croyez? On peut aller pour une courte durée, sachant que les troupes africaines sont démunies, sont peu nombreuses. Vous l'évoquez d'ailleurs dans ce livre important. Elle est partie pour longtemps, pas pour quelques semaines. Non, c'est peut être courte durée si l'ONU s'organise à envoyer des troupes onusiennes. Pendant l'époque du président Chirac, on a fait ça au Congo. J'ai discuté avec le président, j'ai dit qu'il faut une troupe, une réponse rapide. Rapide, pour 3-4 mois. Mm-hmm. Et je vous assure, monsieur le président, on va s'organiser entre-temps et les troupes européennes peuvent se retirer. Et c'était fait. Mm-hmm. Jean, je trouve très intéressant dans votre livre quand vous revendiquez le droit à l'intervention. C'est-à-dire que vous le dites, vous citez même les années où l'Inde avait mis fin à la guerre civile au Pakistan oriental, où le Vietnam en 78 avait mis fin à la dictature des Khmers rouges au Cambodge, où la Tanzanie qui avait viré le dictateur Amin Dada en Ouganda. Je trouve que ça c'est nouveau, où on puisse dire, bah oui, je pense que même pour faire la paix dans un pays, il faut avoir le courage de dire oui, je suis d'accord avec une intervention. Même si des fois on peut se dire bon, là, ça a un peu dérapé. Mmh. Mais des fois, je trouve que ça manque pas de panache d'avoir le courage de le dire. Vous-même aussi pour la Libye, vous pensez que même s'il y a des dommages collatéraux, après, on le sait pour le Mali, vous pensez que même encore aujourd'hui, il fallait y aller en Libye ? Libye, c'est différent. Libye, c'est différent parce que d'abord, il y avait un mandat du Conseil de sécurité. Tous les 5 ont voté pour le mandat. Peu de temps après, les Russes et les Chinois se sentaient, disons, déçus. Ils étaient déçus parce qu'ils disaient que le mandat était pour protéger la population. Et non pas pour intervenir militairement. Militairement, pas seulement ça, pour regime change, pour faire tomber Gaddafi. Et ça, on va payer cher comme communauté internationale. Ça a compliqué ma rôle en Syrie. Bien sûr. Par exemple, quand j'ai parlé d'embargo sur les armements, les Russes et les Chinois disent ça commence par des notes libres. Voilà. Bien sûr. On nous a déjà fait le coup. C'est un peu ça qu'ils disent. C'est ça. Mais ils n'avaient pas tort. Parce qu'il y avait certains États qui croyait qu'il allait faire la même chose en Syrie. Or, ce n'était pas possible. Je les avais dit que Syrie, ce n'est pas Libye, ça allait être beaucoup plus compliqué. Et je trouve ça intéressant que quand vous dites qu'ils n'avaient pas tort de le dire, puisqu'ils se sont fait avoir, et je trouve que c'est drôlement passionnant pour des élèves de sciences politiques ou des étudiants de potasser le livre, parce que tout ce que vous dites est assez nuancé, et finalement, quand on regarde bien, vous busquez les choses, on les lit au travers des lignes, des citations, et des moments un petit peu décoiffants, où vous avez même attaqué même les décisions anciennes de l'ONU, ce qui vous a valu quand même pas mal de reproches. Mais ce que je trouve passionnant, c'est qu'on puisse finalement faire aboutir un nouveau dialogue. Avec des choses qu'on n'avait pas le droit de dire avant. Ça. Mais vous parlez aussi dans votre livre de prévention. Et par exemple, dans la crise en République centrafricaine, pourquoi il y a eu tous ces coups d'État les uns à la suite des autres et que jamais rien ne se passe, que les pays voisins ne se rendent pas compte, que chacun essaie de jouer de son influence et rien ne se passe qui permet d'éviter le prochain coup d'État? C'est vrai que d'abord, il y a certaines situations où ce n'est pas si facile d'aménager ou bien d'étouffer les choses. Mais il y a des occasions où l'ONU a pu faire quelque chose. Par exemple, prendre Timor-Leste, Timor-Oriental. Timor-Oriental, oui. C'est ça. On a pu organiser une force pour aller, force onusienne, pour aider, calmer les choses. Maintenant, c'est un pays indépendant qui a une très bonne relation avec ses voisins, Indonésie et l'Australie. Le problème centrafricain est très compliqué. Donc, il y a certains conflits qui ne se donnent pas facilement à résoudre. Mais Jean Plantu a dit quelque chose qui était intéressant. Je crois que les Russes, les Chinois sur l'affaire Syrie. D'abord, la communauté internationale, représentée par le Conseil de sécurité, doit s'entendre, doit se parler. Mmh. En Syrie, ils sont divisés. Et à vrai dire, les Russes, dès le départ, ont fait une meilleure analyse de la situation que l'Occident. Mmh. Et aujourd'hui, on voit les choses. Mais quelle analyse? C'est-à-dire qu'en fait, ils sont derrière le régime d'Assad? Non, c'est pas aussi simple que ça. Les Russes ont fait... j'ai dit quelque chose dans la livre. Ils ont parlé clairement. Dit que, évidemment, ils ont relation avec Assad. Mais ils ont des armes. Ils se servent de ses bases militaires aussi. Il y a un intérêt. Mais ils ne sont pas mariés à Assad. Ils sont réalistes. Mmh. C'est cynique de vendre des armes à Bachar el-Assad et de derrière de bloquer des résolutions au Conseil de sécurité. Les deux côtés envoient des armes en Syrie. L'Occident et ses alliés dans le Golfe envoient des armes. Et les Russes disent qu'on a un contrat avec le gouvernement. Mais l'essentiel, c'est les Syriens qui meurent. Mm-hmm. Il faut éviter cette... il ne faut pas sacrifier les Syriens pour ça. L'essentiel, c'est de pousser le Conseil de sécurité de travailler ensemble. Maintenant, ça commence. Je crois qu'il y a une bonne relation entre... ministre Lavrov et Kerry qui se développe. Ça veut dire que les Syriens n'avaient pas le droit de manifester comme dans les autres pays arabes, n'avaient pas le droit de demander la liberté d'expression et un changement de régime? Oh, absolument. Pacifiquement, puisqu'au début, il n'y avait pas de, rébellion armée au tout début. Non, ils ont le droit de se manifester. Mais quand ils commencent à être tués, il faut faire quelque chose. Mm-hmm. Ils ont, ça a commencé par manifestation, mais maintenant, c'est une guerre civile. Au début, oui, c'était vrai, ils ont le droit. Mais on est impliqué à cause de la guerre civile. Mais pourquoi au début, l'ONU n'a pas pu faire quoi que ce soit? Ah, là, vous disiez qu'au début, qu'est-ce que l'ONU peut faire? On aurait dit que l'ONU est en train d'intervenir dans une affaire interne. Affaire intérieure d'un pays. Et l'ONU n'a pas... Non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays. À un moment donné, c'était le régime avec des armes lourdes contre des populations civiles non armées. Et à ce moment-là, c'est le devoir de protéger. Non, mais c'est là que, d'abord, ils ont envoyé un envoi spécial de la Ligue arabe. Et c'est moi qui ai suivi. L'ONU m'avait donné un mandat d'essayer de trouver une solution politique et pacifique. Mais voilà les complications. Tous les membres du Conseil de sécurité ont voté pour cette résolution. Peu après... Trois membres permanents de la Conseil de sécurité deviennent membres des amis de la Syrie, avec un mandat tout à fait différent pour faire, si vous voulez, une autre Libye. Et j'avais un mandat pour trouver une solution pacifique. Encore cette interrogation sur la Syrie. Le régime de Bachar al-Assad est accusé d'avoir utilisé des armes chimiques. Est-ce que... pour le secrétaire général que vous étiez et que vous seriez aujourd'hui, est-ce qu'on peut, on doit discuter avec tout le monde, y compris Bachar al-Assad, ou dire le préalable, c'est que certains dirigeants tombent d'abord, on ne discute pas avec certains des dirigeants, dont Bachar al-Assad. Pour vous, ils sont légitimes? Pour les Nations Unies, tu es obligé d'accepter que tous les chefs d'État sont légitimes, sauf si dans les situations où ils ont commis des crimes contre l'humanité, bien. Il y a certains chefs d'État aujourd'hui qui sont soit il y a un mandat pour les arrêts, absolument. Ou bien ils ont un cas devant le Cour pénal international. Donc c'est pas automatique. Mais avec Bachar al-Assad, on doit discuter. On doit discuter parce qu'il est en position. Il faut être très réaliste. Si on ne discute pas avec Bachar al-Assad, comment peut-on changer les situations? Sauf si on est prêt d'envoyer des armes, comme si on peut faire une deuxième Irak. Mm-hmm. Mais personne n'est prêt pour une deuxième Irak. Mm-hmm. Si on ne peut pas faire une deuxième Irak, on ne peut pas parler avec lui, comment peut-on changer la situation? Vous trouvez que le gouvernement français a fait une erreur dès l'origine en se mettant derrière les amis de la Syrie? C'était prendre parti? Ça a compliqué la solution, de mon avis. Bien, nous avons encore beaucoup de questions à vous poser à l'occasion de la sortie de votre livre « Intervention », Kofi Annan, d'édition Odile Jacob. Nous nous retrouvons, si vous voulez bien, dans quelques instants après ce point d'actualité. Retour sur le plateau d'International, sur les antennes de TV5 Monde, sur celle de RFI, toujours en collaboration avec le quotidien de référence, comme on dit, le quotidien français Le Monde. Nous recevons Kofi Annan, prix Nobel de la paix, qui dirigea l'ONU pendant une décennie. Monsieur le secrétaire général, et je le disais, vous publiez aux éditions Odile Jacobs ce livre important, Intervention, une vie dans la guerre et dans la paix. Dans votre livre, ce qui nous a frappé, ce qui nous a marqué, c'est que l'une des interventions qui restera dans l'histoire, comme un échec, c'est l'intervention en Irak. Hein, on se souvient, donc c'était pendant que vous étiez secrétaire général, il n'y a pas de mandat de l'ONU, on est d'accord, 100 000 morts, chute de Saddam Hussein, et quand on vous lit, on a l'impression qu'elle aurait pu être évitée, ça s'est joué à pas grand-chose, vous avez failli éviter ce conflit-là. Oui, je crois que c'était une guerre qu'on pourrait éviter, parce que les bases même pour la guerre n'existaient pas. Si on avait donné un peu de temps aux inspecteurs des Nations Unies, on aurait pu comprendre qu'il ne fallait pas aller en on Irak. On se souvient de Colin Powell montrant « j'ai la preuve ». Et vous, vous n'y croyez pas, vous nous racontez dans le livre. Vous êtes sceptique, vous n'y croyez pas. J'étais sceptique parce que les Américains m'ont parlé aussi avant les discours de Colin Powell. Et franchement, quand des inspecteurs étaient en train de faire le travail, ce qu'il fallait, c'est de les donner un peu plus de temps pour terminer les travaux et soumettre un rapport. Monsieur le secrétaire général, avec le recul, vous diriez que les Américains se sont trompés ou qu'ils vous ont menti ? C'est difficile à dire. Il y a des gens qui ont dit que they jazzed up, comme on dit, jazzed up the dossier of Iraq, comme on dit, jazzed up. Des dossiers, des éléments de preuve, des choses de ce genre. En tout cas, je croyais qu'ils étaient pressés. Il y avait une question du temps. Ils avaient déployé des troupes. Le chalet allait venir en dizaines de jours. Il fallait agir avant que le chalet dans la région vraiment arrive. Donc, ils étaient pressés. Je suis sûr que si les troupes n'étaient pas déjà déployées, vous auriez pu arrêter ce conflit. Faire pression sur Sophie Malibo, RFI. T'en veux pas mon vieil Iscariote, tu m'as donné pour quelques ronds, sans doute que t'avais tes raisons. Je t'en veux pas mon vieil Iscariote, c'est pas de ta faute si t'es comme ça. Mais ce qui me chagrine au pas d'état, c'est que tu te disais mon vrai petit pote, comme on n'en fait plus sur la terre. Et puis je t'en fous, tu m'as fait faire comme un miteux, comme un pauvre mec. C'est ça, vois-tu, qui me désespère, tes magnes et tes salamalecs, tes embrassades, etc. Avec une gueule comme celle que t'as. Bravo mon vieux, chapeau mon gars, t'as du talent, il faut que tu pousses. Tu devrais donner dans la rousse, on est peinard, on peut trahir, seulement voilà, il faut choisir, être dégueulasse ou bien seigneur. Toi t'as pas de mal, tu n'as pas de cœur. J't'en veux pas mon vieil Iscariote, c'est pas ta faute, c'est dans la peau, c'est des trucs puissants, les banknotes. Mais une autre fois, vas-y Franco, viens donc me voir et je te ferai le prix. C'est pas que je râle pour ce que je t'en dis, t'as pas pensé à mon standing. Tu t'as gouré et c'est tant pis. La prochaine fois, ne l'oublie pas, mon vieux copain, mon vieux Judas, je valais beaucoup plus cher que ça. un mec qui mangeait un sandwich, j'ai dit quel frimeur. Et le mec qui mangeait ce sandwich, c'était le blond. T'as vu le blond quand il mange un sandwich? Putain, la mayonnaise, elle sort pas. Lui, les tomates, elles restent parallèles, y a aucun problème. Hein. Si... Toi, tu mords dedans la feuille de salade, elle vient et tout, comme ça. T'as de la mayonnaise partout, toi, t'as toujours une tomate, elle veut sortir la tête du sandwich pour voir ce qui se passe, genre. Hop, qui va, ça va? M'énerve! Il était là avec ses mains de plomb, la main de plomb avec des avant-bras, avec des poils brochingués. Et il mâchait, il avait des muscles de plomb ici qui faisaient pac, pac, pac, pac. Il a pas, lui, la feuille de salade coincée entre les dents. Non, il a un système autorotatif ou je sais pas quoi ce qu'il a dans la bouche. C'est un fou. Après, il s'est mis à manger des chocolats, le mec. Tu crois qu'il a, lui, les chocolats ici dans la bouche comme toi, sur les dents, genre, je vais bien, non. Moi, déjà, quand on me propose des chocolats, je tombe toujours sur le dégueulasse avec la liqueur à l'intérieur. Là, sur... hey, il est dégueulasse, ce chocolat à l'alcool. Là, sur... oui, les gens, ils savent pas, hein, au début, hein, que c'est un chocolat à l'alcool. Ils sont contents que tu leur proposes du chocolat. T'as vu, tu leur proposes, ils se font, oui, oui, bien sûr, alors, oula, oui, là, oula, oula. Oula, là, c'est bon, bon, bon, tout ça, là. Vas-y, vas-y, ma boum. Deuxième étape, il se rapproche un peu. Alors... et quand ils se rendent compte que c'est à l'alcool, il y a un réflexe psychomorphologique qui est le même pour tous. Hein. Clac, la main, il se baisse, il court, genre... oh, ah, merde. Pourquoi il court? Non, c'est très bizarre. À ce moment-là, j'ai dit à ma copine, on s'en va, c'est fini. Elle m'a dit, on prend l'avion. J'ai dit, non, tu sais bien que j'ai peur. Elle voulait prendre l'avion, laisse tomber, on arrive à l'aéroport. En plus, on tombe sur le blond à l'aéroport, j'en pouvais plus. Il était avec ses enfants, en train de leur parler en blond. Je te jure, les gars, ça existe. C'est genre, eh, dis donc, pitchounou, louloute, hop, hop, hop. Eh, dis donc, il est où ton sac? Il est où ton sac, Bob l'éponge? Il est... j'entends pas, il est où ton sac? Papa te demande, il est où ton sac? Tu sais pas, tu le cherches, tu le trouves, tu me suis, allez, papa, on n'a pas le temps, hop, hop, hop, hop, hop. Pendant que toi, t'es de l'autre côté avec ton fils. C'est autre chose. Le sac! Le sac, il t'a déballé! T'as donné un sac ou il t'a pas donné de sac? Il va me rendre fou, ce gosse, la nuit va partir. C'est quoi, la nuit va partir? Tu vas rester ici toute la nuit, peut-être des loups, ils vont venir, ils vont te manger, voilà. Bon, finalement, on a trouvé le sac du petit, on a été dans l'avion, elle m'a à peine pris le carton d'embarquement, je dis, je sais, je connais la route. On est rentré, il y avait le blond, il était là, en classe, blond. Il n'y a que des blonds là-bas, je te jure, avec des... tu sais, ils mettent les lunettes en mousse pour dormir, parce qu'ils ne sont pas stressés, tout ça, de l'avion et tout, ouais, peut-être on va mourir et tout. Non, non, non, non, c'est... non, je vois pas où est le problème, attends, sécurité, l'avion plane à cause de la pression des ailes. Je vois pas de quoi tu parles, je dirais, regarde, rien d'irrationnel, à un moment donné, la technologie, il faut faire confiance, quoi. Totalement surréaliste d'avoir la trouille, les pétoches d'un avion qui, ça fait plus de 50 ans qu'il plane dans les airs, mon gars, t'es totalement... Il dort le mec avec des lunettes comme ça, tu sais, en mousse, que tes enfants, eux, ils ont déjà fait un arc avec ces lunettes. Ses enfants, à lui, au blond, non, ils sont calmes, ils font du coloriage. Et ils dépassent pas. Toi, ton fils, il colorie tout autour du dessin et te dit, t'as vu, papa, je suis pas rentré. Et après, ton fils te dit, papa, on a décollé, ça y est, on va décoller, c'est bon, on a décollé. Non, on n'a pas décollé. Le décollage, c'est quand papa, il pleure. Regardez les majorettes passer. Elles ont pas un poil de trop sur les gambettes. Elles défilent au paquet. Gonfler leur chemisette. Et puis hop, un petit coup de menton. Et puis hop, elles envoient le bâton. et ses jolis costumes. Faut pas craindre d'arpenter le bitume. Faut pas avoir du sang de scarole, ni du tapioca dans les guiboles. Faut les voir au départ de la kermesse, leurs petits seins en crête de coq se dressent. Mais hélas, à la 28e borne, ils sont redevenus comme des pop-corns. Regardez les majorettes passer, elles ont pas un poil de trop sur les gambettes. Elles défilent ton bac à danser en faisant gonfler leurs chemisettes. Et puis hop, un petit coup de menton. Et puis hop, elles envoient le bâton. Tout le monde applaudit Mademoiselle Jeanne, qui marche à reculons en lançant sa canne, et qui se dit en souriant à monsieur le maire, pourvu que je me foute pas la gueule par terre. La grosse moustachue qui les gouverne a dû faire l'exode sur une citerne. Autour de ses 120 kilos de graisse pure, sa mini-jupe a l'air d'une ceinture. Regardez les majorettes passer, elles ont pas un poil de trop sur les gambettes. Elles défilent ton bac à danser en faisant gonfler leurs chemisettes. Et puis hop, un petit coup de menton. Et puis hop, elles envoient le bâton. La petite Marie-Jo dit à Ginette, vise l'air avachi de la sous-préfète. C'est pourtant pas qu'elle manque d'exercice avec le mari de l'institutrice. Toutes ces jambes roses et ces jupettes démoralisent toutes les femmes honnêtes. Par contre, les vieux matous de la tribune n'en peuvent plus d'aboyer à la lune. Regardez les majorettes passer, elles ont pas un poil de trop sur les gambettes. Elles défilent ton bac à danser en faisant gonfler leurs chemisettes. Et puis hop, un petit coup de menton. Et puis hop, elles envoient le bâton. La vie m'a doublé, c'est pas régulier pour un pauvre lézard qui vit par hasard dans la société. Mais la société, je veux pas m'en mêler, je suis un type à part, une graine d'ananas. On me dit que j'ai poussé en dessous d'un gibet où mon grand-papa balançait déjà avec un collier. Un collier tressé de chanvre, il était un foutu foulard à graines d'ananas. J'avais des copains qui mangeaient mon pain, car le pain c'est fait pour être partagé dans notre société. C'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus-Christ, un foutu bavard à gueule d'ananas. Si j'avais des sous, on me demanderait où les as-tu gagnés sans avoir trimé pour la société. Mais comme j'en ai pas, faut lui dire pourquoi c'est jamais peinard, la graine d'ananas. Oh. On me dit que c'est fini, je vous dis comme on le dit, et qu'on me pendra au nom de la loi et de la société. De la belle société qui se met à se mêler de mettre au rancard la graine d'ananas. Autant se double, l'oiseau fait son nid, messieurs les corbeaux passeront ma peau comme à l'étamine. Mais auparavant j'aurai comme le vent semé quelque part ma graine d'ananas. Marguerite entre les dents, lorsqu'elle m'évite obstinément, je comprends vite quand elle en a marre de ma frite, ma petite Julia. Elle est si belle, ma petite Julia, dans ses prunelles y a du colza. Elle savent rire, me battre froid. Elle semble dire, tu es à moi. Lorsqu'elle s'échappe, ma petite Julia, qui la rattrape quand elle a froid? C'est bien mes zigues qui courent les bars et les garrigues et les boulevards. Elle est agile, ma petite Julia, elle court la ville du haut en bas. Dans les salons, dans les musées, partout où l'on peut s'amuser. Elle est pas fière, ma petite Julia, elle boit de la bière avec les gars. Et s'ils rigolent de mon chagrin, elle me console par des câlins. Elle est la reine, ma petite Julia, quand je la promène au cinéma. Sur la pelouse où les vieux beaux, elle les a tous à ses sabots. Quand elle quémande, ma petite Julia, quelques amandes, du chocolat. Je la gourmande, mais je m'en veux, la réprimande est dans ses yeux. C'est la violence, ma petite Julia, quand elle s'élance sur un bourgeois. Blanque et voisine, vos robes à fleurs, quand elle rumine dans le secteur. Tel est mon drame quand elle s'en va. Messieurs, mesdames, ramenez-la-moi. Qui la découvre, retienne ceci. Elle aime le Louvre et le Percy. Dans cette attente, une bonne fois, je vous présente ma petite Julia. C'est une chevrette de 18 mois. Elle a la tête dure comme du bois.